fleur fermée qui guide mes pensées, qui mélange amour, joie sombre et clarté, qui stimule mon âme, qui me fait rêver. Ô toi fleur fanée qui jadis guidait l'humanité, de ton but tu t'es éloigné, portant tes richesses, tes odeurs et ta diversité. Au souffle du peuple qui nous fait avancer, pourquoi n'essaies-tu pas de nous changer? Sans ton aide, mourir serait mérité. Au rage, aux colères, tu manques d'intensité. Toi qui te montres aux visions d'atrocité, protège-moi du confort, protège-moi d'ignorer. Ô vie que tu es belle et volupté, ceux qui te tiennent te lâcheront jamais, ceux qui t'attendent sont mutilés.